guerre d'Algérie, cet aspect parmi d'autres, notamment grâce à l'ouverture des archives. Là, il y a un vrai, je pense qu'il y a un vrai renouveau de l'historiographie sur la guerre d'Algérie qui est en train, là, au moment où on en parle. Nous, on est dedans, voilà, les publications, je veux, il y en a beaucoup. Ceux qui ont envie de parler de cette guerre, bien, parce qu'elle a, comment dire, une mémoire, elle porte une mémoire conflictuelle qui est encore très lourde maintenant. Elle est partout, la guerre d'Algérie, elle est dans notre urbanisme, elle est dans notre constitution, hein, la cinquième, elle est aussi dans notre démographie. Combien, un Français sur dix est descendant d'Algériens ou de pieds noirs. Donc elle est partout, au jour le jour. Et ceux qui ont envie d'en parler, qui en parlent bien à mon avis, mettent vachement l'accent sur les rivalités algéro-algériennes ou franco-françaises pour montrer qu'on n'était pas juste dans un tout blanc, tout noir, manichéen, comme on nous l'a tellement vendu jusqu'à maintenant. Donc je pense que beaucoup de gens font comme moi, travailler sur le MNA et le FLN, mais moi je ne suis pas travaillé spécialement là-dessus, ça c'était juste pour aujourd'hui. On travaille sur l'Algérie en général, puis pas que, on travaille sur l'histoire. Donc. Il y avait une question ou une remarque d'Olivier. Oui, donc c'est juste une remarque à propos de la FLN et MNA. Je vous signale, malheureusement je l'ai publié, j'avais dirigé une thèse à Metz, de l'université de Metz, à l'époque de Mario Axi, sur... la fin des années, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a un chapitre entier sur la lutte des FLN et MNA, notamment à l'époque où elle avait vu des archives de Lyon, donc je ne sais pas si elle a pu vu les archives de Lyon, je ne sais pas si elle avait pu voir celle-là, mais on avait vu aussi à Paris, et on avait vu aussi à Marseille, et également tout ce qui concernait aussi par rapport au MNA, la question de la Belgique. D'accord. La Belgique, il y avait la Belgique et l'Allemagne, il y avait un certain nombre d'éléments. Bah oui, de toute façon, il rayonnait beaucoup. Bah, le FLN a décidé d'ouvrir le second front en Allemagne, hein, dans une réunion en Allemagne. Le MNA avait aussi des bases. Des bases, oui. De ce point de vue-là, ça passait beaucoup par la Lorraine, la frontière luxembourgeoise, qui est une belle passoire, etc. Et comment vous faisiez pour avoir accès aux documents, alors, à l'époque, quand vous travailliez là-dessus? Elle a demandé des dérogations. Voilà, bah, l'avantage maintenant, c'est que vous venez, puis voilà, vous asseyez, on vous les donne. Oui. Oui, alors, une remarque et deux questions. La remarque, c'est que votre communication a en fait fait apparaître quelque chose dont on ne traite jamais. C'est la violence dans les cafés. Alors, on parle toujours de la violence dans la salle des cafés, les bagarres, la violence devant le café. Mais là, on a la violence souterraine, la violence dans la cave. Et je vous rappelle... que les opérations de rétorsion dans Rocambole, dans le roman Rocambole de Ponson du Terrail, ont lieu sous le cabaret, au milieu des tonneaux. Donc, il y a tout en fait une tradition de règlement de compte de la pègre dans certains sous-sols, enfin, dans certaines caves de certains cafés. Donc là, on s'inscrit non seulement dans le cadre d'une guerre fraternelle, fratricide, mais on s'inscrit aussi, en fait, dans une tradition de la pègre qui est bien plus large. Donc, voilà. Alors, j'ai deux questions. D'abord, à votre endroit, une fois la guerre d'Algérie terminée, est-ce que les cafés concernés vont devenir des cafés d'accueil d'immigrés algériens, et est-ce que la division va continuer en fonction de filières ou de régions d'accueil? Et à l'intention de Bruno Benoît, j'aurais voulu savoir si à Lyon, en 1870, on avait identifié des cafés de Garibaldiens ou des cafés italiens fréquentés par des Garibaldiens de Garibaldi. Merci. Alors moi, je ne sais pas. L'identification de cafés fréquentés par des Italiens, ce n'est pas après 70. C'est plus tard, c'est-à-dire... On est plutôt dans les années 1920-1930. Là. C'est et pour là, ça que je pose la question pour les Garibaldiens. Oui, parce qu'on peut dire que la rive gauche du Rhône, qui est c'est là où s'installent les derniers arrivants à Lyon, est un quartier plutôt populaire autour de ce qu'on appelle à Lyon la place du Pont, autour de ce qu'on appelle la place du Pont à Lyon, qui a été le lieu de la commune de Lyon, c'est la place du Pont. Là, il y avait des cafés fréquentés par des Italiens que la police ne surveille. Il n'y a pas d'archives de police particulièrement axées sur la surveillance de ces cafés italiens. Alors, il semblerait que la crise anarchiste à Lyon, qui frappe Lyon entre 1880 et 1890, implique un gars qui s'appelle Caserio, qui est quand même quelqu'un qui. Mais n'entraîne pas dans sa foulée des mouvements seulement le soir de la mort, en effet, de l'assassinat de Carnot par Caserio. Il y a eu un déchaînement anti-italien. Un déchaînement italien dans le quartier de ce qu'on appelle aujourd'hui la Madeleine, c'est-à-dire le quartier un peu de resto étudiant, c'est-à-dire en haut de la rue Garibaldi, au nord de la rue Garibaldi. Voilà. Ça a été étudié par Karine Salomé, mais j'aurais voulu savoir s'il y avait un lieu de cantonnement des Garibaldiens et donc une fréquentation spécifique d'un certain nombre de lieux de sociabilité autour de ce lieu. Puisque Garibaldi était donc présent à Lyon, on a identifié l'endroit où il était en cantonnement, ou est-ce que ses troupes étaient pulvérisées C'était plutôt pulvérisé. D'accord. Non, il n'y a pas d'endroit identifié qui pourrait être aujourd'hui avec une plaque où on mettrait ici Giuseppe Garibaldi. Non, d'accord. Peut-être la dernière question pour pouvoir. J'ai un petit peu l'esprit d'escalier, mais justement, puisque vous avez parlé à la fois donc des luttes fratricides entre Algériens, donc des contrôles et de la répression par les autorités françaises, et est-ce que l'OAS s'en prend par exemple à ces cafés algériens? Est-ce que vous avez trouvé? Oui. Bah, après, c'est plus tard l'OAS. Oui, c'est plus tard. 61, mais... 62, voire même un peu après les accords d'Évian. Ils s'en prennent à tout. Les cafés ont été. Est-ce que c'est l'objet de. Les cafés, les centres d'hébergement. Alors après, c'est pas trop non plus, parce que quand l'OAS mène surtout des actions en Algérie, ici. Je parle à Lyon. Hein, ouais, les gens ici, en tout cas ceux du FLN et du MNA, beaucoup ont été emprisonnés, notamment à Tolle. On a fait un camp exprès à Tolle pour en enfermer. Ah ouais? Ils rentrent tous après. La grande majorité rentre en 62. Tous les suspects ou supposés indépendantistes. Ceux qui restent sont vraiment des gens qui restent pour travailler, des familles. Parce que l'immigration algérienne a cette spécificité d'être à la fois une immigration de travail, comme plein d'immigrations de travail, dont des jeunes hommes qui viennent pour travailler, mais aussi une immigration de famille, parce qu'ils ont la nationalité française. Ah oui. S'il y a la guerre à Marseille, vous avez de la famille à Lille, vous allez partir. Donc voilà, là, on pouvait passer d'Alger à Lyon ou de Constantine à Paris. Donc il y a une immigration. On le voit bien sur ce document-là, que l'immigration, vous voyez, qu'elle a double niveau. Il y a des femmes, il y a quand même, il y a 1500 enfants et 800 femmes sur 12 000. On est sur une immigration de travail, mais pas que. Donc eux, ils vont rester. Et après, là, pour répondre à votre question, je dis, je ne sais pas, mais je suppose, mais là, je blablate. J'ai aucun document là-dessus et tout. Mais je pense, dans ce qu'on appelle encore maintenant la petite Médina, vers la place du pont, justement, il reste encore beaucoup de bars. Est-ce qu'il y en a qui ont des traditions FLN ou MNA? Je ne sais pas, mais c'est probable. Enfin, ça serait pas surprenant. Allez, la dernière, vraiment. Je vais juste savoir, est-ce que vous pensez que d'après vos sources, vous pouvez affirmer ou réfuter le fait que le contrôle massif qu'il y a eu ait eu une quelconque impact sur cette guerre fratricide? Est-ce que ça a marché, en gros, tous ces moyens et ces militaires? Moi, ça m'a vraiment interrogé, parce qu'on a beaucoup de photos, de rapports, c'est violent. Ouais. On arrête jusqu'à, on peut arrêter jusqu'à 1200-1500 personnes sur 2 jours, sur 2 nuits. Après, ils font ce qu'ils appellent des commissions de criblage, donc ils montent des fichiers, notamment à Montluc. Il y a des gens qui sont entassés. Ils savent que sur un peu, là par exemple, j'ai eu un rapport où sur 1700 arrêtés, ils ont 12 suspects. Bon, ça veut dire qu'il y en a un paquet qui ont été arrêtés pour rien, juste parce que. Donc il y a une vraie forme de violence là-dedans. Et dans le même temps, j'ai pas envie d'être naïf et caricatural en me disant il y a des Algériens du MNA et du FLN qui se rafalent dans les rues de Lyon. Il y en a du FLN qui ont attaqué 2 commissariats. Il y a dans les bidonvilles des gens qui se font égorger. Donc il se passe quelque chose. Ces choses-là, les autorités ne peuvent pas rester inactives face à ça. Donc elles sont obligées d'agir. Alors ils ont un gros coup de pelle, mais comment y aller, comment en faire? Moi, je ne porte pas de jugement. Je dis juste, il s'est passé ça, chacun pense ce qu'il veut. C'était une période complexe. Hein. En même temps, je parle sous le contrôle d'Olivier Dard, mais dans les années 30, on voit des rafles qui sont comparables à Paris ou à Marseille. Dans le cadre d'autres conflits, de lutte contre la pègre, des nassages, des rafles, des arrestations de centaines et centaines, voire un millier en une nuit, de gens qui terminent à l'évêché, et après, je dirais, presque un coup de... des condamnations par coup de dé, quoi, ou des inculpations sur coup de dé. Je veux dire, on en voit dans les années 30. Hein. je voulais juste, je dois avoir une photo. Je voulais quand même prendre une photo. Non, c'est trop, c'est pas. Là, je crois qu'on va, passer à. J'avais des photos à vous montrer. Mets le PDF sur le bureau de l'ordinateur. Ah ouais. Glisse le PDF. Ouais. Je passe à Clermont. Ouais, et ben.